Il en est qui disent, nous croyons en Allah. Puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout l'univers, de tout le monde? Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il explique ces versets. Et je résume son explication dans Zad al-Ma'ad. Il dit, فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. Donc il dit que le serviteur médite sur ces versets et ce qu'ils contiennent comme leçon et comme trésor de sagesse. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين. Car les gens, lorsque les prophètes sont envoyés vers eux, ils ont deux possibilités. إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك. Soit il va dire, soit la personne va dire je crois, ou soit elle va dire n'am, ou soit elle ne va pas dire qu'elle croit. Yani elle va m'écroire. Soit elle va croire, soit elle va m'écroire. Ensuite, Ibn al-Qayyim il dit فَمَنْ قَالَ آمَنَّا اِمْتَحَنَهُ رَبُّهُ وَابْتَلَاهُ وَفَتَنَهُ لِيَتَبَيَّنَ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ. Donc quant à celui qui va dire je crois, alors Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver, il va le tester afin que se distingue le véridique du menteur. وَمَنْ لَمْ يَقُلْ آمَنَّا فَلَا يَحْسَبْ أَنَّهُ يُعْجِزُ اللَّهَ وَيَفُوتُهُ وَيَسْبِقُهُ. Et quant à celui qui ne dira pas qu'il a cru, yani qui restera dans la mécréance, il ne doit pas penser que lui va échapper à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah ne sera pas capable de le punir. Ensuite, Ibn al-Qayyim il dit فَمَنْ آمَنَ بِالرُّسُلِ وَأَطَاعَهُمْ عَادَاهُ أَعْدَاؤُهُمْ وَآذَوْهُ فَابْتُلِيَ بِمَا يُؤْلِمُهُ. Donc quant à celui qui a cru au prophète et qui leur a obéi, eh bien, cette personne-là, les ennemis des prophètes vont le prendre comme ennemi. Et ils vont lui faire du mal. Et il sera éprouvé par des choses qui lui feront mal. وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِمْ وَلَمْ يُتِعْهُمْ عُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَحَصَلَ لَهُ مَا يُؤْلِمُهُ وَكَانَ هَذَا الْمُؤْلِمُ لَهُ أَعْظَمَ أَلَمًا وَأَدْوَمْ min alam ittiba'ihim. Donc ensuite il dit quant à celui qui ne croit pas aux prophètes et qui ne leur obéit pas, lui il sera châtié sur terre et dans l'au-delà, et quoi qu'il arrive il subira des choses qui lui feront mal, et ces choses qu'il va subir lui fera encore plus mal et sera encore plus durable que la douleur de ceux qui ont suivi les prophètes. Fala budda min husuli al-alam li kulli nafsin amanat aw raghibat 'an al-iman. Donc il est inéluctable, il est inévitable que chaque âme, qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas, chaque âme va subir quoi? Quelque chose qui va lui être douloureux. لكن المؤمن يحصل لهم الألم في الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم. Donc Ibn al-Qayyim, il nous dit que chaque âme obligatoirement va subir des choses douloureuses. Mais il va nous expliquer là la différence entre la douleur du croyant et la douleur du mécréant. Il dit, le croyant, il va subir des choses douloureuses sur terre au début, puis la fin heureuse sera pour lui sur terre et dans l'au-delà. Et quant à celui qui se détourne de la foi, le mécréant, lui, il va avoir le plaisir au début. Il va obtenir du plaisir au début. Puis, il va s'acheminer vers une douleur infinie, une douleur éternelle. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى. الإمام الشافعي رحمه الله a été questionné, qu'est-ce qui est meilleur pour l'homme, qu'Allah lui accorde la suprématie ou qu'il l'éprouve. فقال لا يمكن حتى يبتلى. Quelle a été la réponse de l'imam al-Shafi'i rahimahullah? Il a répondu, il ne pourra obtenir la suprématie, c'est-à-dire sur ses ennemis, il ne pourra obtenir la suprématie qu'une fois qu'il aura été éprouvé. Yani, c'est obligatoire qu'il soit éprouvé avant de pouvoir obtenir la victoire sur son ennemi. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: Wallahu ta'ala ibtala ulil azm min ar-rusul falamma sabaru makkanahum. Allah a certes éprouvé les meilleurs parmi les prophètes, les cinq meilleurs prophètes, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu alayhim wa ajma'in. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les meilleurs des prophètes, puis lorsqu'ils ont patienté et enduré ces épreuves, Allah leur a accordé la suprématie et la victoire sur leurs ennemis. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. Donc que personne ne pense qu'il pourra être préservé de la douleur totalement. Que personne ne croit qu'il pourra être préservé de la douleur totalement. وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. Donc il dit que personne ne pense qu'il pourra être préservé de la douleur totalement. Mais les gens de la douleur sont à plusieurs niveaux dans la raison. Et celui qui est le plus raisonnable parmi eux, c'est celui qui vend la douleur continue et immense contre une douleur éphémère et petite. Et le plus malheureux parmi les gens, c'est celui qui aura vendu la douleur éphémère et petite contre la douleur immense et continue. Puis ensuite, Ibn al-Qayyim, un peu plus bas, il dit فَإِنَّ الْإِنسَانَ مَدَنِيٌ بِالطَّبْعِ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَعِيشَ مَعَ النَّاسِ وَالنَّاسُ لَهُمْ إِرَادَاتٌ وَتَصَوُّرَاتٌ فَيَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُمْ آذَوْهُ وَعَذَّبُوهُ. Donc, Ibn al-Qayyim, il dit ensuite que l'être humain, par nature, il est sociable, il a besoin de vivre en communauté. Il est obligé de vivre avec les gens. Et les gens ont tous des volontés et des pensées différentes. Et ils veulent de lui qu'il soit d'accord avec eux. Et s'il n'est pas d'accord avec eux, alors il le persécute. Et il le châtie. وَإِنْ وَافَقَهُمْ حَصَلَ لَهُ الْأَذَى وَالْعَذَابِ تَارَةً مِنْهُمْ وَتَارَةً مِنْ غَيْرِهِمْ. Et si jamais il tombe d'accord avec eux, alors il obtiendra des persécutions et un châtiment. Des fois, ça viendra d'eux, de ces personnes-là qui voulaient qu'ils soient d'accord avec eux, et des fois de d'autres personnes. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم. Donc il dit, à l'exemple de quelqu'un qui a de la religion et de la piété et qui s'installe au milieu d'un peuple pervers et injuste. Et ces gens pervers et injustes, ils ne peuvent faire leur perversité et leur injustice, sauf si cet homme-là qui a de la religion est d'accord avec eux. Ou alors, si, même s'il n'est pas d'accord avec eux, qu'il se taise. فَإِنْ وَافَقَهُمْ أَوْ سَكَتَ عَنْهُمْ سَلِمَ مِنْ شَرِّهِمْ فِي الْإِبْتِدَاءِ ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. Il dit, et donc s'il se met d'accord avec eux, ou s'il se tait sur leur perversité et leur injustice, certes, au début, il sera préservé de leur mal. Mais ensuite, par la suite, ils prendront le dessus sur lui et ils l'humilieront et ils le persécuteront beaucoup plus que ce qu'il craignait au début s'il leur aurait interdit le mal et qu'il les aurait contredit. وَإِنْ سَلِمَ مِنْهُمْ فَلَا بُدَّ أَنْ يُهَانَ وَيُعَاقَبُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِمْ. Et si jamais, et même si on devait penser, même s'il devait arriver, qu'il sera préservé du mal de ces gens-là, quoi qu'il arrive, inévitablement, il sera humilié et châtié par d'autres personnes. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. Donc Ibn al-Qayyim nous dit, donc la fermeté réellement, c'est de suivre ce que Aïcha radiallahu anha a dit à Muawiya, et ceci est à la base un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a rapporté à Muawiya, dans lequel le prophète en avait dit, celui qui cherche à plaire à Allah, celui qui cherche à satisfaire Allah, malgré le mécontentement des gens, Allah le préservera des gens. Et celui qui cherche à plaire aux gens, celui qui cherche à satisfaire les gens, malgré le mécontentement d'Allah, eh bien, les gens ne lui seront d'aucune utilité devant Allah. Ensuite, Ibn al-Qayyim, et c'est là-dessus que je vais terminer cette petite introduction, il dit « وَمَنْ تَأَمَّلَ أَحْوَلَ الْعَالَمِ رَأَ هَذَا كَثِيرًا فِي مَنْ يُعِينُ الرُّؤَسَاءَ عَلَى أَعْرَاضِهِمُ الْفَاسِدَةِ وَفِي مَنْ يُعِينُ أَهْلَ الْبِدَعِ عَلَى بِدَعِهِمْ هَرَبًا مِنْ عُقُوبَتِهِمْ » Et celui qui médite la situation du monde, celui qui médite sur l'état du monde, il verra ceci. Il verra que ceci arrive beaucoup à ceux qui aident les gouverneurs et les chefs dans le mal, dans leurs mauvaises intentions, et également ceux qui aident les gens de l'innovation dans leurs innovations. Tout cela pourquoi ? Pour échapper à leur châtiment. Ensuite, Ibn al-Qayyim il dit فَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ وَأَلْهَمَهُ رُجْدَهُ وَوَقَاهُ شَرَّ نَفْسِهِ اِمْتَنَعَ مِنَ الْمُوَافَقَةِ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ وَصَبَرَ عَلَى عُدْوَانِهِمْ ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا كَانَتْ لِلرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ كَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم انتهى كلامه رحمه الله. Donc à la fin, Ibn al-Qayyim nous dit, donc celui qu'Allah a guidé et qui lui a accordé, yani l'a guidé et qui l'a préservé du mal de lui-même, il va refuser d'accepter d'être d'accord avec eux sur l'interdit, et il va supporter et patienter et endurer l'injustice qu'ils vont lui faire subir. Puis à la fin, c'est lui qui aura la victoire et la fin heureuse sur terre et dans l'au-delà, tout comme l'ont eu les prophètes et ceux qui les ont suivis, tels que les muhajirines et les Ansar, et ceux qui ont été éprouvés parmi les savants et les adorateurs d'Allah, et parmi les gouverneurs pieux et les commerçants et autres. C'est ainsi que se termine la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et lorsque l'on médite sur ce qu'Ibn al-Qayyim a dit, on le voit clairement aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens de l'innovation ne demandent plus aux gens de la sunna de faire leurs éloges et d'appeler les gens à eux, mais ils leur demandent juste de se taire. Ils essayent tout d'abord de te ramener dans leur innovation. Puis si tu refuses d'être d'accord avec eux sur leur innovation, ils vont essayer de quoi ? Ils vont te dire, bon d'accord, tu ne veux pas faire notre innovation ? Mais au minimum, ne parle pas sur nous. Au minimum, ne parle pas sur nous. فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ لَهُمْ فِي إِحْدَثْنَتَيْنِ هَاتَيْنِ. Donc, fais bien attention de ne pas accepter ce à quoi ils t'appellent parmi ces deux choses. D'être d'accord avec eux ou de te taire sur eux. Car celui qui voit quelque chose de répréhensible n'a pas le droit de se taire. Celui qui voit un mal n'a pas le droit de se taire si ce mal se répand. Taïb. Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah, dans la suite de son cours, il dit والإيمان بالملائكة Donc il parle ensuite de la foi aux anges. Et la foi aux anges, elle implique quatre choses. La première des choses, la foi en leur existence. C'est que tu crois qu'ils existent. La deuxième des choses, de croire au nom qu'Allah subhanahu, au nom des anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le nom de certains anges. Donc nous devons croire que, par exemple, Jibril, ou Mikaïl, ou Israfil, nous devons croire que quoi? Que ce sont des anges et que ils ont ces noms-là. Nous devons croire à ces noms-là. Et que ce sont des anges. Et ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité les noms, nous croyons à eux d'une façon globale. Comme quoi que ce sont des, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges, il y en a dont il nous a donné les noms. Nous croyons en eux avec leurs noms, et il y en a de qui il ne nous a pas donné les noms. Donc nous croyons simplement que ce sont des anges qui existent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Même si nous ne connaissons pas leurs noms. La troisième des choses que cela implique, la foi à ceux que nous connaissons comme caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a citées. La foi en leurs caractéristiques qu'Allah nous a citées. Comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que les anges ont des ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique qu'il a vu Jibril alayhi salam à l'horizon. Et il avait plus de 600 ailes. Et il avait couvert l'horizon avec ses ailes. Donc ceci fait partie de la foi aux anges, de croire aux caractéristiques qu'ils ont, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, ainsi que son prophète. Et également, quatrièmement, la foi aux anges implique de croire aux actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges et a donné aux anges différentes fonctions et différents actes à accomplir. Par exemple, et à titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que parmi les anges, il y en a qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le verset, dans la sourate Al-Haqqah, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ et porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux, et ce jour-là porteront, et ce jour-là, huit anges porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux. Donc il y en a qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi eux, parmi les anges, il y en a qui sont chargés des fœtus, des bébés dans les ventres des mères, comme dans le hadith connu, hadith Abdullah ibn Mas'ud, hadith As-Sadiq al-Masduq, comme quoi, la création de chacun d'entre vous, dans le ventre de sa mère, il est pendant 40 jours, nutfa, puis 40 jours, alaqa, puis 40 jours, mudra, puis au bout donc du 120e jour, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange, qui est chargé de quoi? D'insuffler l'âme dans le corps du bébé, qui est dans le ventre de la mère. Et il inscrit quatre choses, etc., comme le hadith est bien connu. Donc il y a des anges qui sont chargés des fœtus dans les ventres des mères. Il y a des anges qui sont chargés de garder l'enfer. Et à leur tête, à la tête des gardiens de l'enfer, l'ange Malik, alayhi salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé dans le Coran. Il y a également parmi les anges, des anges qui sont chargés de les gardiens du paradis. Et à leur tête, l'ange Ridwan, alayhi salam. Et parmi les anges, il y en a qui sont chargés de protéger les fils d'Adam, de protéger les êtres humains. Comme certains parmi les mécréants les appellent les anges gardiens. Ceci, il y a des hadiths qui sont venus, et des versets afwan. Il y a des versets afwan qui sont venus nous prouver qu'il y a des anges qui sont chargés de quoi? De protéger les êtres humains. Également, il y a des anges qui sont chargés d'inscrire les actes des êtres humains, qui sont par groupe de deux, un sur la droite et un sur la gauche. Celui qui est sur la droite inscrit les actes de bien, et celui qui est sur la gauche inscrit les actes de mal que l'être humain commet. Et ces anges, ils viennent aux prières du Fajr et de l'Asr. Il y a un roulement. Il y en a deux qui arrivent à la prière du Fajr, et les deux qui étaient avec l'être humain partent, et donc ce sont les deux autres qui arrivent. Et ainsi, ils restent jusqu'à la prière de l'Asr. Puis quand arrive la prière de l'Asr, deux autres arrivent, et les deux qui étaient avec l'homme repartent. Et ainsi de suite. Et également, il y a des anges qui sont chargés de prendre l'âme de l'être humain, et à leur tête l'ange de la mort, et beaucoup d'autres anges. Et parmi les plus grands anges, il y a trois anges: Djibril, wa Mikaïl, wa Israfil. Djibril qui est chargé de la révélation, l'ange qui est chargé d'apporter la révélation au prophète d'Allah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait faire une révélation à un prophète, il envoyait l'ange Jibril alayhi salam. Et Mikaïl, qui est l'ange chargé de la pluie et de la végétation. Et l'ange Israfil, qui est chargé de souffler dans la trompe au jour de la résurrection. Taïb. Donc Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit: wal iman bil malaikati ma'nahu al iman bi kulli al malaikati alladhina khalaqahum Allah yu'minu al 'abdu bi anna lillahi malaikatan khalaqahum li ta'atihi wa 'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi subhanahu wa ta'ala. Donc la foi aux anges, elle signifie le fait de croire à tous les anges qu'Allah a créés. Le serviteur croit qu'Allah a des anges qu'il a créés et qui lui obéissent et l'adorent et appliquent ses ordres. La preuve de cela, قال الله جل وعلا عن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: mais ce sont de nobles serviteurs, en parlant des anges. Mais ce sont de nobles serviteurs, ils ne le devancent pas par la parole, et ils agissent selon ses ordres, ou selon son ordre. Et également dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction rapprochée du sens: ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne, et ils font tout ce qu'il leur ordonne. Également dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduit dans la traduction rapprochée du sens: Ils ne s'enorgueillissent pas vis-à-vis de son adoration, ni ne s'en lassent. Ils le glorifient nuit et jour, sans s'arrêter, sans cesse. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, il dit: Nu'minu bihim jami'an wa annahum khuliqu min an-nur. Donc nous croyons à tous les anges, et qu'ils ont été créés de lumière, à partir de la lumière. comme ceci a été rapporté dans le hadith authentique, dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Dans un hadith, le prophète sallam dit: Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Donc le prophète sallam dit, comme ceci est rapporté dans le recueil dans Sahih Muslim, les anges ont été créés de lumière et les djinns ont été créés de feu sans fumée, et Adam alayhi salam, Adam a été créé de ce qui vous a été décrit dans le Coran, c'est-à-dire à partir de l'argile, la terre. Ensuite, Cheikh Ibn Baz, il dit: خَلَقَهُمُ اللَّهُ مِنَ النُّورِ وَأَنَّهُمْ فِي طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Donc Allah les a créés à partir de la lumière. Ils lui obéissent et suivent son ordre et appliquent ses ordres. Nul ne peut les dénombrer si ce n'est Allah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait cité dans le Coran qu'il a assigné à l'enfer 19 anges chargés de le garder, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُ. Et nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. وَمِنْهُمُ الْمَلَائِكَ. Et parmi les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges. Et également dans un hadith authentique, le hadith de l'Isra wal Mi'raj, le hadith du voyage et de l'ascension nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a parlé de la Kaaba céleste qui est au septième ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque jour entre dans la maison sacrée, qui est au ciel, chaque jour il entre 70 000 anges, puis ils n'y reviennent pas jusqu'au dernier, rapporté par Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique. Et également dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, également, il nous dit, comme quoi, il nous dit: le ciel a grincé ou a craqué. Et il était de son droit de craquer ou de grincer. Il n'y a pas un endroit dans le ciel, il n'y a pas un endroit de quatre doigts, lorsque tu mets quatre doigts, il n'y a pas un endroit de quatre doigts dans le ciel sans qu'il n'y ait un ange qui est quoi? Qui est prosterné dans cet endroit-là. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans ce recueil de hadith authentique, le hadith numéro 1722. Et tout ceci prouve la multitude d'anges qui existent. Si tous les jours il y a entre 70 000 anges, si chaque jour entre 70 000 anges dans la maison sacrée, dans le ciel, et si dans chaque endroit du ciel, dans chaque, il y a les quatre endroits de quatre doigts dans le ciel, il y a un ange qui se prosterne, ceci prouve que les anges sont très nombreux. Ensuite, Cheikh, il dit: نُؤْمِنُ بِهِمْ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا. Donc nous croyons aux anges de manière globale et de manière détaillée. نُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ إِجْمَالًا وَأَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَوَامِرِهِ وَتَنْفِيذِهَا. ومنهم نعم. Donc, nous croyons aux anges de manière globale, c'est-à-dire que qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qui lui obéissent et qui suivent ses ordres et les appliquent. ومنهم من فصله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى. Donc, et de manière détaillée, Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé certains d'entre eux en nous citant leurs noms, tels que Jibra'il et Mika'il et Israfil et Malik, le gardien de l'enfer. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairci, nous a détaillé sur eux. Wa hakadha malakul maut, et également l'ange de la mort. Et certains ulama comme Cheikh Al-Albani rahimahullah ont démontré, parce que parmi les paroles, beaucoup de gens, il y a une parole qui se propage qui dit comme quoi que l'ange de la mort s'appelle Azraïl. Azraïl. Ou Israël. Ceci est une parole qui est répandue chez les gens, que l'ange de la mort s'appelle Azraïl. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres ulama ont prouvé qu'il n'y a pas de hadith authentique qui prouve que l'ange de la mort s'appelle Azraïl. Donc nous l'appelons l'ange de la mort tout simplement. وَمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِهِمْ نُؤْمِنُ بِهِمْ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ. Donc Cheikh Ben Baz rahimahullah, il finit ce passage en disant, et ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités leur nom, nous croyons à tout cela de manière détaillée. C'est-à-dire, nous croyons en eux, que ce sont des anges, et nous croyons en leur nom. Et je vais terminer ce cours en citant certains bénéfices de la foi aux anges. Car la foi aux anges procure des fruits bénéfiques pour le serviteur. Parmi les fruits de la foi aux anges, tout d'abord, il y a la connaissance, le fait de prendre connaissance de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grandeur d'Allah et de sa puissance. Car la grandeur de la créature prouve la grandeur du Créateur. Deuxièmement, parmi les fruits de la foi aux anges, c'est que nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour s'occuper des fils d'Adam, de telle sorte qu'il a chargé des anges de les préserver et de les secourir. Également, parmi les fruits de la foi aux anges, et vous pouvez le mettre en petit 3, le fait que ceci accorde aux croyants la tranquillité et le courage, la sérénité et le courage. Car le croyant, il sait qu'il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé des anges qui sont là pour le secourir et pour l'affermir. Et également, parmi les fruits de la foi aux anges, le fait que ceci encourage le croyant aux bonnes œuvres et à délaisser les péchés, car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à des anges d'inscrire tous ses actes, bons et mauvais. Et également parmi les fruits de la foi aux anges, le fait que ça t'encourage à assister aux assises de science. Car parmi les anges, comme ceci est venu dans un hadith, il y a des anges qui sont chargés d'aller rechercher les assises de science. Ils parcourent le monde, ils parcourent la terre pour rechercher là où il y a des assises de science. Et lorsqu'ils trouvent une assise de science quelque part, ils s'arrêtent et ils entourent ces assises de science et ils les recouvrent de leurs ailes pour les protéger, pour protéger ceux qui sont dans les assises de science. Et les assises de science que les anges enveloppent sont les assises de science des savants de la sunna, des savants salafis, pas des savants de la bid'a. Car les savants de la bid'a ne font que s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceci a été expliqué par Cheikh Zayd Al-Madkhali, Hafizahullah Ta'ala. Et également parmi les fruits de la foi aux anges, le fait que ceci donne aux serviteurs, donne aux croyants, l'amour pour les anges. Car nous devons aimer pour Allah et détester pour Allah. Et vu que les anges sont des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils lui obéissent dans tout ce qu'il leur ordonne, nous devons les aimer pour cela. Et également nous devons les aimer parce qu'ils demandent parce qu'ils implorent le pardon d'Allah pour les croyants. Et nous devons également les aimer parce qu'ils secourent les croyants dans la guerre et dans le combat, que ce soit le combat armé ou le combat par la plume et par la science. Et également parmi les fruits de la foi aux anges, le fait que ceci appelle le serviteur à se préparer à la mort et au jour dernier par la foi et les bonnes œuvres. Parce que le croyant sait qu'il y a des anges qui sont chargés de venir prendre son âme et d'autres qui sont chargés de l'interroger dans sa tombe sur son Seigneur, sur sa religion et sur son prophète. Et il sait, le croyant sait également qu'il y a des anges qui sont chargés du paradis, tout comme il y a des anges qui sont chargés de l'enfer. Donc le croyant qui a cette croyance, qu'il y a des anges qui vont venir prendre son âme et des anges qui vont l'interroger, et qu'il finira soit au paradis ou soit en enfer, eh bien ceci le pousse à se préparer à la mort et au jour dernier par la foi et les bonnes œuvres. Et c'est ainsi que se termine le cours d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.